temps. Et tout le temps sous le regard de la société civile, j'y reviens, et c'est aussi pour ça que ça peut marcher ou ça peut échouer. La négociation permanente, finalement d'une contribution à une autre, la transition est faite. Je passe la parole à Géraud de la Suisse Saint-Geniès. Pas cassé matin de Paris. Hein. Okay. Ben, bonjour à toutes et à tous. Alors, bon, d'abord, je voudrais remercier les organisatrices de cette journée. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici, d'autant plus que cette journée se tient dans un lieu qui a une signification un peu particulière pour moi, parce que c'est au cours d'une lointaine déjà année de master à Paris 1 que est né mon intérêt pour le droit des changements climatiques. Donc ceux qui sont en master, ne négligez pas forcément le choix de vos sujets, ça peut vous amener finalement à faire moi. Donc c'est une sorte de retour en source qui me fait vraiment plaisir. Donc pour cette présentation, moi j'ai voulu envisager cette question du droit des changements climatiques sous un angle un peu particulier, en me décentrant de l'État souverain et du droit international, pour me tourner vers l'action internationale d'un autre acteur qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années dans la gouvernance du climat. Et cet autre acteur, ce sont les entités infra-étatiques, qu'il s'agisse des villes, des régions, des États fédérés, ou encore des provinces, ou des autres formes de démembrement de l'État. Donc on sait que ces entités infra-étatiques, elles agissent localement, sur le territoire qu'elles administrent, pour lutter contre les changements climatiques. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'elles agissent aussi entre elles, dans un niveau qu'on pourrait commencer par appeler par international, sur cette question des changements climatiques. Et donc on trouve aujourd'hui un certain nombre d'initiatives qui ont des degrés d'institutionnalisation poussés et qui regroupent des entités infra-étatiques, mais qui sont situées sur des territoires qui relèvent d'États différents. Et donc c'est à ces initiatives que l'on appelle parfois dans la doctrine les réseaux transgouvernementaux de lutte contre les changements climatiques que je vais m'intéresser ici, notamment pour examiner plus précisément les rapports qu'entretient cette forme de prise en charge un peu particulière du problème du climat avec le droit international classique et notamment le système multilatéral de lutte contre les changements climatiques. Alors pour commencer, je ferai trois commentaires pour préciser peut-être un peu davantage mon objet d'étude. Et mon premier commentaire, c'est pour dire que ces réseaux transgouvernementaux, ils sont aujourd'hui nombreux et ils ont des profils variés. Alors, je vous présente ici une liste, mais elle n'est évidemment pas exhaustive. C'est, je pense, les principaux réseaux. On pourrait en ajouter. Moi, j'en avais compté à peu près une vingtaine, mais je pense que je n'ai pas fait le tour de la question non plus. Je mentionnerai simplement que la liste s'est considérablement allongée ces dernières années. En fait, surtout depuis 2005, on a vu de nouveaux réseaux apparaître. Je pense notamment au réseau C40, que la mairesse de Paris, je pense qu'on dit mairesse ici, oui, la maire de Paris, la maire de Paris préside actuellement ce réseau-là, ou encore la Convention des maires pour l'énergie ou le climat, qui est un autre réseau important. Alors on a des réseaux qui sont plus anciens, qui ont été fondés dès 1990, mais on voit quand même que c'est une activité qui a connu un essor très important ces dernières années, et qui reste assez dynamique. J'ajouterai aussi que ces réseaux-là ont des profils assez différents. Quand on les regarde, il y en a qui ne sont ouverts qu'aux villes, alors ça peut être le cas du Compact of Myers, ou d'autres qui sont ouverts qu'aux régions, c'est par exemple le Climate Group, qui a une alliance pour les États fédérés et les régions, ou parfois aussi on a des réseaux qui regroupent ces deux types d'acteurs, c'est la coalition Under Two, donc sous les deux degrés, c'est une nouvelle coalition qui a été fondée en 2015, qui regroupe des villes et des régions. Profil différent aussi dans la portée territoriale de ces réseaux, puisqu'il y en a qui sont très localisés. Je pense par exemple à la Western Climate Initiative, c'est vraiment pour l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique, alors que d'autres, comme le Conseil mondial des maires sur les changements climatiques, ont vraiment une vocation universelle. Puis enfin, dernier élément qui peut faire varier les profils, c'est le champ de compétences. Il y en a qui n'agissent que, qui n'ont été créés que pour lutter contre les changements climatiques, alors que d'autres, comme la conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada, ce sont des réseaux sont plus larges et l'une des thématiques qu'on a intégrées à ces réseaux est devenue le changement climatique. Donc d'emblée, on voit que quand on veut travailler sur ces réseaux, c'est une tâche qui est un petit peu difficile parce qu'ils sont nombreux, ils sont variés et en plus, ils collaborent souvent entre eux, ce qui donne lieu à des mises en réseau de réseaux. Donc on se perd un peu dans ce paysage transgouvernemental. Mais si on essaye de systématiser un peu les choses, et c'est mon deuxième commentaire, veux dire en fait que cette activité, elle est organisée autour de trois pôles. Donc, il y a trois fonctions essentielles dans ces réseaux. Première fonction, qui est une fonction classique d'échange d'informations. Donc, il s'agit de permettre à chacun de bénéficier des bonnes pratiques que les autres ont pu découvrir. La deuxième fonction, on pourrait dire que c'est une forme de renforcement de capacité. Il s'agit en fait de fournir une assistance technique et parfois aussi financière aux membres du réseau. Donc, par exemple, le C40, il y a des conseillers spéciaux changement climatique qui aident les villes à mettre en place des politiques d'atténuation. Et puis enfin, une troisième fonction qui va peut-être plus nous intéresser, c'est une fonction qui est proprement normative, parce que dans le cadre de ces réseaux, les États, les entités infra-étatiques, élaborent un grand nombre de textes et dans lesquels ils définissent des engagements, des lignes de conduite ou des objectifs qui finalement servent à orienter leur action et à guider les comportements qu'ils vont avoir sur leur territoire. Mon troisième commentaire enfin, et ça ira vers ma problématique, qui est de dire c'est on voit que ces réseaux aujourd'hui dans la littérature suscitent un certain enthousiasme. Et on trouve un discours qui en fait consiste à dire que ces réseaux sont mieux outillés pour prendre en charge cette problématique du climat que les processus intergouvernementaux et qu'ils contribueraient à définir de meilleures règles et que comme ils sont déconnectés du processus intergouvernemental, ils contribuent à marginaliser ou à relativiser l'importance du droit international classique. Donc j'ai reproduit ici quelques extraits d'articles qui démontrent un peu ce discours. Alors je ne veux pas trahir la pensée des auteurs. Les deux premiers, ce sont des auteurs qui ne font que exprimer le fait qu'il y a ce discours dans la littérature. Le troisième auteur, en revanche, c'est pour ça que je l'ai souligné, c'est vraiment le sens de son propos, hein, the best shot we have avec ses réseaux. Bon, évidemment, quand on voit la complexité des négociations sur le climat, avec les présentations qui nous ont été faites, on peut comprendre le sens du discours, et d'autant plus que les entités infra-étatiques contrôlent souvent d'importants leviers qui vont permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être le transport, ça peut être l'urbanisme, ça peut être l'aménagement du territoire. Donc on peut se dire que c'est peut-être la bonne échelle de prise en charge du problème du climat. Par exemple, au Canada, on estime que 85% des émissions de gaz à effet de serre relèvent de la compétence des provinces et des municipalités. Et puis on dit aussi, je ne sais pas dans quelle mesure le chiffre est fiable, mais on dit que plus de 70% des émissions de CO2 sont imputables à l'activité qui se déroule à l'intérieur des villes. Alors, le fait qu'il y ait d'autres formes de régulation, c'est en soi mauvais pour la lutte contre les changements climatiques, mais je voulais quand même me demander dans quelle mesure est-ce que ce discours de survalorisation du local correspond à la réalité. Et donc, je me suis posé cette question, en fait, est-ce que par le biais des réseaux, les acteurs infra-étatiques font-ils entre eux mieux que les États par le biais du droit international? Et donc, j'ai un peu synthétisé ça en deux thèses. Donc la thèse numéro 1, c'est de dire que les solutions proposées par les réseaux sont plus efficaces que celles qui sont issues de la coopération. Et donc ça décrédibilise les règles du régime onusien. C'est ce que j'ai appelé la thèse du dépassement du droit international. Puis la thèse numéro 2, l'activité des réseaux elle est déconnectée de l'activité intergouvernementale et donc ça marginalise la place du régime onusien dans la gouvernance du climat. Donc c'est ce que j'ai appelé la thèse du contournement du droit international. Donc ce sont les deux thèses que je voudrais tester ici. Et je commence avec pour tester ma thèse numéro 1, première question, c'est est-ce que les engagements d'atténuation sont plus contraignants dans les réseaux que dans le droit international? Alors à première vue, on peut se dire, ben oui, parce que on regarde un certain nombre de textes et on trouve des engagements qui sont chiffrés. Par exemple, dans la Convention des maires, un objectif d'au moins 40% d'ici 2030. Dans la coalition sous 2 degrés, on trouve 80 à 90% sous 90 d'ici 2050. Et la conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et du Premier ministre du Canada, c'est une résolution de 2015, donc c'est juste avant l'accord de Paris, et on dit 35 à 40%. Alors évidemment, il faut mettre ces chiffres en perspective. Dans l'accord de Paris, ben on le sait, il n'y a pas de cible chiffrée de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il y a simplement une cible qualitative qui est de faire plafonner les émissions de gaz à effet de serre dans les meilleurs délais. Donc on peut se dire que ces engagements ont une capacité directrice, en tout cas plus grande que celles qui sont dans le droit international. Sauf que, évidemment, faut relativiser ce constat-là. Alors, il y a plusieurs raisons qui invitent à nuancer ça. D'abord, parce que dans les réseaux, on trouve aussi des engagements qui ont une nature purement qualitative et pas quantitative. Donc, en ce sens, ce n'est pas si différent. Donc, le pacte de Mexico, par exemple, il n'y a pas de cible chiffrée, c'est un engagement général. Ensuite, la formulation des engagements, elle est parfois ambiguë, si bien qu'on ne sait pas trop si c'est un engagement individuel pour les États, si c'est un engagement collectif. ou encore si c'est une sorte d'aspiration collective. Donc, je vous donne un exemple, c'est quoi le sens d'un engagement qui nous dit de travailler constamment afin d'augmenter les réductions de sorte qu'en 2050, les émissions mondiales soient réduites, etc. On ne sait pas trop ce que ça veut dire concrètement pour les membres du réseau. Et dans ce... Alors à la suite, mon troisième commentaire, c'est de dire qu'il y a une marge de manœuvre qui est très importante dans le choix de la cible individuelle, parce que les textes reconnaissent à leurs membres une marge de manœuvre. Hein. On dit par exemple que chaque membre doit avoir une flexibilité, que les textes n'ont pas vocation à prescrire une voie spécifique. Et en fait, quand on regarde les engagements qui sont pris par les États, par les entités infra-étatiques au sein d'un même réseau, on se rend compte qu'il peut y avoir d'énormes disparités. Donc, je prends l'exemple de la coalition sous 2 degrés. Le Québec nous donne un objectif qui est de réduction de moins 20% sous le niveau de 1990 d'ici 2020. C'est un engagement assez ambitieux. Et à comparer de ça, vous avez l'État d'Acre au Brésil qui, lui, s'engage simplement à revoir sa politique de gestion forestière. Donc on voit qu'on n'a pas le même type d'engagement, pourtant ils font tous les deux partie du même réseau. Un dernier point, c'est aussi que ces engagements-là, bah, ils sont sans doute dépourvus de force obligatoire. Alors j'ai mis une petite question parce que le texte est peut-être dépourvu de force obligatoire, mais l'engagement après peut être repris dans du droit au niveau national. C'est le cas au Québec, par exemple, on a un décret qui nous donne des engagements d'accumulation, ou encore par des résolutions du conseil municipal. En tout cas, ce n'est pas le texte transgouvernemental qui crée cette force obligatoire. Cela dit, il y a quand même un point que je voulais mentionner, c'est qu'on constate quand même que dans ces réseaux, il y a des directives sur les actions que les entités infra-étatiques devraient mettre en œuvre sur leur territoire, que l'on trouve dans ces réseaux et que l'on ne trouve plus dans les textes du droit international. Par exemple, on indique que les mesures devraient être mises dans le secteur du transport, dans le secteur de la gestion des déchets, qu'on devrait favoriser l'efficacité énergétique, voire même qu'on devrait recourir aux mécanismes de tarification du carbone. Et ça, ce sont des choses évidemment qu'on ne trouve plus dans les normes internationales. Donc, il y a un espace de dialogue qui est créé dans ces réseaux, qui s'est refermé dans le droit international. Mais bon, le bilan, je pense, est quand même plutôt mitigé. J'ai pas l'impression que sur le plan de la contrainte, sur le plan de l'intensité de l'encadrement, il y a un saut qualitatif qui est particulièrement important entre ce qu'on trouve dans ces réseaux et ce qu'on trouve dans le droit international. Toujours sur cette thèse numéro 1, qui est de dire qu'il peut y avoir un dépassement du droit international, je me suis intéressé à un autre aspect de l'atténuation, c'est la transparence de l'information. Et première chose à dire, c'est que on observe dans ces réseaux une tendance générale à la transparence, pour reprendre une expression d'Anne-Sophie Cabot. En ce sens que les membres des réseaux sont souvent obligés ou très fortement incités à d'abord prendre des engagements d'atténuation et d'adaptation, réaliser un inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre, élaborer un plan d'action et surtout rendre publiques ces informations-là et les actualiser à échéance régulière. Alors il y a différentes formules, mais c'est quand même un trait commun qui tend à apparaître aujourd'hui dans ces réseaux-là. On insiste fortement sur cet aspect de transparence. L'exemple du pacte de Mexico, c'est un bon exemple, puisque les villes doivent effectivement prendre des engagements et les inscrire dans un registre qui a été créé en partie à cet effet-là, qui s'appelle le Climate and Carbon Registry. Et donc, on peut retrouver des engagements qui ont été pris par les villes. Donc, on a cette tendance à la transparence qui, évidemment, rappelle celle qu'on connaît en droit international, mais il y a quand même certaines lacunes. D'abord parce que ces informations, elles se retrouvent dans une diversité de sources. Et il y a aujourd'hui plusieurs plateformes sur lesquelles on peut consigner, on peut communiquer ou rendre compte de ces engagements. Donc il y a le CCR, qui est la Carbon and Climate Registry, il y a le CDP, il y a la Convention des maires, il y a le Compact of States and Regions. Autrement dit, on a une fragmentation des sources qui rend plus difficile l'accès à une centralisation de l'information. En tout cas, c'est plus difficile de trouver une information. L'autre aspect, c'est l'aspect méthodologique. C'est-à-dire que, et ça se voit notamment sur la réalisation des inventaires de gaz à effet de serre, les réseaux n'imposent pas systématiquement la même méthodologie pour réaliser les inventaires d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il peut y avoir ici des divergences quand on regarde les inventaires qui ont été faits par les uns ou par les autres. Et puis enfin, troisième aspect, c'est le manque d'expertise indépendante pour vérifier l'information qui a été communiquée, qui est quand même super important. Et puis aussi, l'expertise indépendante pour élaborer des bilans de performance des actions individuelles. Donc en fait, c'est assez difficile de savoir si l'information qui est transmise par les États est fiable et si on additionne les chiffres, on est sur des bonnes trajectoires. Alors je passe maintenant à la deuxième thèse, est-ce qu'il y a un contournement du droit international? Et j'irai plus vite ici, parce que c'est assez évident quand on commence à travailler sur les réseaux que cette thèse elle est assez difficile à soutenir. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a une implication des institutions internationales qui est très forte dans les réseaux. La Convention des maires, c'est une initiative de l'Union européenne. Le Mayors Compact, ça a été créé par le secrétaire général des Nations Unies. Le C40, ils ont un partenariat avec la Banque mondiale. Le Global Covenant of Mayors, on a appris récemment que ça allait être Patricia Espinoza, le secrétaire exécutif de la CNUC, qui allait siéger à titre de conseillère et d'observatrice. Donc on voit qu'il y a une proximité entre les deux qui est extrêmement forte. Deuxième aspect, c'est qu'il y a une implication des réseaux dans les négociations, internationales sur le climat qui est évidente. D'abord, dans les textes, ils affirment leur volonté de collaborer avec les États. On voit aussi qu'ils participent au COP, ils organisent des side events, mais parlent aussi avec les délégués. Et puis, il y a une réelle volonté d'influencer les négociations, et il y a des actions de lobbying qui expliquent sans doute cette petite ouverture qu'on a vue, cette petite référence qu'on a vue ces dernières années dans les textes, à l'importance du rôle des acteurs infra-États. Alors, mon dernier point, il est peut-être un peu plus technique, mais je mentionnerai juste un mot dessus. Est-ce qu'il y aura à l'avenir une ouverture progressive du régime du climat à ces réseaux? Et quand même, un élément intéressant dont je voulais parler, c'est la plateforme NASCA, qui est une plateforme qui a été mise en place en collaboration, notamment entre le secrétariat de la Convention et certains réseaux, et qui est une forme aussi de plateforme, de point de chute, où sont compilés des engagements des acteurs infra-étatiques qui proviennent déjà de différentes plateformes. Donc c'est une plateforme de plateforme, et c'est intéressant parce que ça démontre qu'il y a une connexion plus grande entre les instances du régime du climat et l'activité de ces réseaux transgouvernementaux. Alors je termine par trois conclusions. Donc, première conclusion, c'est que la thèse du dépassement et du contournement, je pense qu'elles ne sont pas vérifiées, en tout cas elles doivent être relativisées. Et c'est sans doute, on en a parlé au début, lié au fait que ce droit transgouvernemental n'est pas si efficace, c'est peut-être parce qu'il se heurte aussi à des problèmes qui sont en fait inhérents à la coopération, qu'on retrouve aussi forcément dans tous les processus de coopération au niveau intergouvernemental. C'est peut-être moins un problème d'acteur que de processus. La deuxième conclusion, c'est de dire que les réseaux ont une activité intense qui peut-être évoque l'idée d'une sorte de droit international parallèle qui est en train de se mettre en place à côté de l'action des États. Et donc ça m'amène à ma troisième conclusion, qui est de dire que peut-être aujourd'hui, ça devient assez difficile de concevoir ce droit du climat uniquement à travers le prisme de l'État. Et donc la question du colloque, c'était quel droit pour les changements climatiques? Ce droit pour les changements climatiques, c'est peut-être aussi un droit qui doit être pensé au-delà de l'État. Alors je vous remercie.